où se rencontrent nos fantômes, plus vivants que nous-mêmes, nos âmes. Là où tu es l'autre rive, où tu es l'autre rêve. Être s'efface.